en toi et tu te laisses entraîner en levant bien haut les deux pieds. Une fois à gauche, une fois à droite, histoire que tout le monde s'emboîte. Et c'est l'instant qui nous semble parfait pour penser à changer. Tu peux nous prendre une rafale et ramener au passage ces personnes bien trop sages qui vont rentrer dans la danse et faire attention au sens, car c'est l'instant qui nous semble parfait pour penser à changer. Avec nous, car c'est la dernière fois que tous ensemble nous.